j'étais pas plus de même. Ce que tu parles, là, c'est d'agir en mieux vu, mais en toi, ça fait que tu... C'est ça, c'est ça. Bonsoir. La vie est en train de réveiller sur la racine de Dieu. Je la trouve, on ne l'est pas passée. Ça fait un petit peu. La racine de Dieu? Oui, la cassette de la racine de Dieu. Il y en a fait une, ça a fait une? Oui. Quand j'étais par exemple, des gens que vous allez reconnaître. Sur le plan mental, ça va se passer au niveau de l'oreille, au niveau physique. Je me rappelle plus de la cassette. C'est une question de la reste individuelle qui va prendre contact avec certaines personnes. Ouais. Puis vous dites que vous prévenez par moi. Que le travail que vous faites avec ces gens-là, c'est positif. Wow. La manière de lui reconnaître, vous dites qu'on reconnaîtra cet être-là. Vous les reconnaîtrez, ces gens-là, par la lumière qu'ils auront dans le front. Ça va être des gens avec des gens matériels? Non. C'est les gens que vous reconnaîtrez ces gens-là, mais ces gens-là travailleront avec vous. Et vous les reconnaîtrez par le lien qu'on a le temps. Je suis encore ici. C'est ton connaissant? Ah oui, oui. Oui. Moi, j'aurais bien mieux aimé être un maître. Parce qu'un maître, c'est plaisant. Un maître, quand tu fais un travail de maître, c'est plaisant parce que tu nourris le corps de tes vies qui est de là. Tu nourris. Un travail de structure, c'est pas plaisant, parce que tout après des trucs, tu nourris le moins possible. Ah, tu nourris en faisant des nouvelles formes, mais tu le moins possible, tout ça, vous parlez un petit peu de connaissance. Ouh, des trucs. Ça, que je vous avais éventuellement apporté rien que le niveau vibratoire. Quand vous êtes arrivé au niveau vibratoire, là, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'être nourri. Mais là, vous avez une grande capacité d'entendre, d'écouter, d'absorber. Là, vous grandissez. Alors, ça change vos vibrations. Il y a bien des choses dans ce que je dis. Après, ça quitte. Puis après, ça quitte. C'est quand même étonnant, hein, que tu dis le mot détruit, c'est une chose, parce que réellement détruit des choses devant ta partie des forces de l'énergie. Ouais. Mais c'est pas le conflit pour le moment. Mais je l'emploie le mot parce que c'est ça, c'est détruire des parts pour en créer des nouvelles. C'est parce que vous avez aussi des formes, c'est là que vous utilisez du service de la force. Il faut être en dehors de la forme pour pouvoir la détruire. Ce que font les forces, ce que tu appelles les forces de ténèbres, c'est qu'elles se servent de la forme pour emprisonner l'homme dans la forme. À tous les niveaux. C'est casser la présence. Donc souvent, quand quand on se communique avec des gens qui ont des contacts, des gens négatifs, ils n'aiment pas. Tu comprends? Ils n'aiment pas.